إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 10 dans la lecture du livre آداب المشي إلى الصلاة écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Et on a expliqué hier différents points par rapport à la récitation de Al-Fatiha, et on a parlé aussi de la récitation d'une sourate après la Fatiha, et on a parlé de la prière lorsque la femme elle récite, est-ce qu'elle récite à voix basse ou à voix haute. Lorsque c'est la prière à voix haute, on a expliqué à ce sujet, et on a parlé également de la personne qui prie la nuit et s'il y a des personnes qui risquent d'être dérangées s'elle récite à haute voix. Donc on a mentionné que dans ce cas-là elle essaie de ne pas déranger, donc elle récite à voix basse, sinon elle peut réciter à voix haute. On a expliqué ça. Maintenant on est arrivé à un autre point. Il dit قَوْلُهُ وَتَرْتِيبُ الْآيَاتِ وَاجِبٌ لأنه بالنص وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء فتجوز قراءة هذه قبل هذه ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. Donc le cheikh il dit que l'ordre dans les versets, ça c'est obligatoire. C'est-à-dire, tu ne peux pas inverser l'ordre des versets dans une sourate quand tu la récites. Il faut les laisser dans l'ordre dans lequel les versets sont dans le mushaf. Parce que ça c'est basé sur le texte. Il dit, en ce qui concerne par contre l'ordre des sourates, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les sourates sont placées dans le mushaf, ça c'est selon l'ijtihad et non par le texte. Et donc ça c'est selon la parole de la majorité des ulama. Donc il est permis de réciter une sourate avant l'autre ou une autre avant l'autre, même si c'est pas dans le même ordre que dans l'ordre du mushaf, parce que ça peut arriver que parfois tu vas réciter par exemple قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ et puis après tu vas réciter par exemple une autre ayah comme par exemple وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ يعني, c'est pas dans le même mode que dans le mushaf, ok, mais c'est pas grave parce que parfois il y a des gens comme ça, des fois c'est arrivé à moi, c'est arrivé à d'autres personnes, que si tu récites des versets dans un ordre différent de celui qui est dans le mushaf, quelqu'un va s'objecter ou bien va dire c'est pas correct, il faut lire dans le même ordre que dans le mushaf, sauf que n'y a pas de preuves pour ça, et en même temps il y a des preuves qui supportent que c'est le professeur, parfois il a récité dans d'autres ordres, et même que le cheikh ici il dit que même que les sahaba, certains d'entre eux ils avaient des copies du Coran, et ils écrivaient pas les vers, les sourds dans le même ordre que d'autres masahif. Donc, c'est-à-dire, ils les écrivaient pas dans le même ordre que celui qu'on a maintenant. Donc, c'est pour dire que c'est pas grave. Et il dit que dans les récitations, vous savez qu'il y a plusieurs récitations du Coran. Il y en a 7 qui sont les plus connues parmi les récitations du Coran. Celles qu'on a en général ici ou en Arabie Saoudite, celles qu'il récite, c'est Hafs an Asim, Hafsin an Asim. Dans le Maghreb, c'est en général Warsh. C'est la récitation qui est récitée là-bas, mais il y en a d'autres encore. Il y en a 7 qui sont plus connus, il y en a 10 qui sont acceptés, et il y en a même 14 qui sont que certains également parmi les ulama mentionnent également. Et les autres sont pas, il y en a d'autres, mais sont pas authentiques, les autres récitations. Et donc ici il dit que l'imam Ahmad il a trouvé détestable de réciter par la récitation de Hamza et de Al-Kasai, et il détestait également le Al-Idram Al-Kabir de Abu Amr. Je ne connais pas ces récitations-là, donc je ne peux pas donner d'exemple ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire que yani, c'est des récitations qui existent. Et le Cheikh, il va mentionner ça. Le Cheikh Abdul Mohsin, il va faire un commentaire là-dessus. Le Cheikh il dit donc, Cheikh Abdul Mohsin, hafidhahullah, il dit tartib al-ayat wajibun li'annahu bin-nass fala yajuzu lil-qari an yaqra ayatan thumma yaqra ba'daha ayatan qablaha amma tartib as-suwar fa fihi khilaf wa minhum man qala innahu bil-ijtihad wa minhum man qala innahu bin-nass wa qad dhakara al-Cheikh أن كونه بالاجتهاد قول جمهور العلماء بناء على ذلك يجوز أن يقرأ سورة قبل ثم يقرأ بعدها سورة قبلها. Donc le cheikh explique que l'ordre des versets, ça c'est obligatoire parce que c'est selon le texte, comme on a dit. Donc le récitateur, il n'a pas le droit d'inverser l'ordre des versets tel qu'il est dans le mushaf et de mettre une ayah avant l'autre. En ce qui concerne l'ordre des sourats, des chapitres, ou des sourats comme on appelle en arabe, ça c'est quelque chose qui est, il y a une divergence à ce sujet-là, comme on a dit, et certains ont dit que c'était par l'ijtihad, d'autres ont dit que c'était par an-nas, selon le texte, mais le cheikh, lui, qu'est-ce qu'il a mentionné, c'était que selon la majorité des ulama, c'est selon l'ijtihad, c'est-à-dire selon l'effort de jugement des sahaba qu'ils ont placé chaque sourah une à la suite de l'autre. Et donc, le cheikh il dit, basé là-dessus, donc il serait permis donc de réciter une sourah avant une autre, même si ça ne suit pas l'ordre du mushaf. Et il dit le cheikh, ويدل لذلك قصة الصحابي الذي يصلي في مسجد قباء ويبدأ بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها والحديث في ذلك أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه تعليقا ووجه الدلالة أنه ليس بعد قل هو الله أحد في المصحف إلا سورتان فيكون المعنى أنه قرأ بسور قبل قل هو الله أحد وقد أورد البخاري هذا الحديث في باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة والحديث أخرجه الترمذي ومسندا وشيخه فيه الإمام البخاري. Donc le cheikh il explique que l'exemple de l'histoire du sahabi qui récitait, qui priait dans Masjid Quba, la mosquée qu'on appelle Masjid Quba, et il commençait par Qul huwallahu ahad, puis il récitait une autre sourate après. Et on sait que il n'y a pas d'autre sourate après Qul huwallahu ahad, excepté deux sourates seulement. Hein? Donc le cheikh il a mentionné que ce hadith là il est rapporté dans Al-Bukhari selon Anas ibn Malik ta'liqan, et il dit que donc comme on a dit, il y a après qul huwallahu ahad, il y a qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Et donc ce sahabi, ça c'est la preuve qu'il récitait donc une autre sourate après qul huwallahu ahad autre que ces deux sourates là. Donc c'est la preuve qu'il ne suivait pas l'ordre du mushaf, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas réprimandé d'avoir fait ça. Et il dit que dans Al-Bukhari il y a donc la mention de ce hadith là, et il dit que le hadith dans ce chapitre là Al-Jam'u bayna as-suratayn fi rak'a, c'est-à-dire le titre que l'imam Al-Bukhari a mentionné avant de mentionner ce hadith là, c'est le fait de réunir deux sourates dans la même rak'a. Donc tu peux après Al-Fatiha réciter plus qu'une sourate, c'est pas obligé que tu récites seulement une seule. Et il dit wal qira'atu bil khawatim wa bi suratin qabla sura wa bi awwali sura. OK, donc c'est ça, tu n'es pas obligé de réciter une seule sourate, tu peux réciter plus, tu peux réciter une sourate avant une autre, et tu peux réciter le début d'une sourate aussi seulement. Donc ou bien une partie d'une sourate aussi, donc c'est pas nécessaire que tu récites dans l'ordre du mushaf. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi aussi dans un hadith dans son Sunan, et son cheikh dans ce hadith là c'est l'imam Al-Bukhari, parce que Tirmidhi il a rapporté les hadiths de Al-Bukhari aussi, et c'était son cheikh. Et il dit وأما ذكره الشيخ عن الإمام أحمد عن بعض القراءات وهو من قبيل ترجيح بعض القراءات على بعض ومن كان عنده علم بالقراءات فلا ينبغي له أن يقرأ عند العامة بقراءة غير معروفة لهم لأن في ذلك تشويشا عليهم وهذا بخلاف حال التعلم والتعليم فإن ذلك مطلوب. للشيخ الذي en ce qui concerne ce que le cheikh a cité de l'imam Ahmad au sujet des différentes récitations, il dit que ça c'est dans le domaine de considérer certaines récitations plus propices ou plus meilleures que d'autres. Et il dit donc celui qui a de la connaissance des différentes récitations, parce que ça c'est une science, hein, ça s'apprend, donc il dit que celui qui connaît les différentes qira'at, il ne doit pas réciter des qira'at devant des gens du commun qui ne connaissent pas cette qira'at-là. Il risque de les mélanger, il risque de les confondre. Donc, ça c'est dans le cas où quelqu'un va réciter selon une qira'at que les gens ne connaissent pas, c'est mieux qu'il évite de faire ça. Toutefois, dans le contexte de l'enseignement et de l'apprentissage, là, ça c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose qui est exigé, parce que là, dans ce cas-là, la personne va enseigner, va expliquer, et donc ça c'est correct dans ce cas-là. Et il dit وَقَدْ نَبَّهَا عَلَى هَذَا شَيْخُنَا الشَّيْخ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَبْلَ فَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ فِي لِقَاءٍ عَامٍ حَضَرَتْهُ مِنْ لِقَاءَاتِ الْجَامِعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ بِالْمَدِينَةِ على إثر قراءة قارئ آيات من قراءة قارئ آيات القرآن أو آيات من القرآن بقراءة غير القراءة المشهورة في هذه البلاد. Oui, donc il explique que Cheikh Ibn Baz, رحمه الله, il avait mentionné ce point-là lorsqu'il y a eu une réunion, puis c'était à l'université islamique de Médine, et un récitateur avait récité des ayats selon une récitation qui n'était pas très connue dans le pays. Donc il avait mentionné que c'est mieux de ne pas réciter selon des récitations que les gens ne connaissent pas, pour éviter de les mélanger ou les confondre. Et moi, je me rappelle quand j'étais imam dans la mosquée sur Jean Talon, il y a plusieurs années de ça. Et bon, moi j'ai appris la récitation selon Hafs. Je ne connais pas Warsh. Donc, quand je récitais, là-bas, les frères sont du Maghreb, la plupart, ils ont appris Warsh, certains d'entre eux. Et donc, quand ils récitent, selon la récitation de Warsh. Et des fois, il y a des petites différences. Donc, par exemple, dans certaines sourates, au lieu de, par exemple, dans Surat Al-Qiyamah, par exemple, je me rappelle que moi, je récitais Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mawta. À la fin, Alam Yaku, Notufatan, et dans la, je pense que c'était dans la récitation de Warsh, il disait Alam Taku, et non Alam Yaku. Donc, au lieu d'un ta, c'était un ya, et à chaque fois, il me corrigeait dans la récitation. Puis, moi, je pensais que je me trompais à chaque fois. Alors, une fois, j'ai vérifié dans le mushaf et j'ai réalisé que je ne me trompais pas, en fait. Alors, lui, à chaque fois, ce frère, il me corrigeait. À chaque fois, il me corrigeait sur différentes choses. Et j'ai compris par la suite que lui, il avait appris Warsh et que moi, je récitais avec Hafs. Donc, à cause de ça, il y avait toujours des petites différences parfois. Et c'est pour ça que c'est important, justement, de le savoir. الشيخ الزين وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. أورده البخاري في باب من خص العلم قوما دون قوم كراهية أن يفهموا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. Donc à ce sujet-là, le cheikh il rapporte la preuve que c'est permis justement de limiter certaines connaissances à certaines personnes en dehors de d'autres. Dans le sens que si des gens, par exemple, ils ne sont pas au courant de quelque chose, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Ali radiallahu anhu, il dit, dites aux gens ou parlez aux gens de ce qu'ils connaissent. Est-ce que vous voulez qu'ils démentent Allah et son messager? Et l'imam Al-Bukhari a mentionné ce hadith dans le chapitre qui s'intitule de faire qu'une science soit d'enseigner en particulier une science à des gens en dehors des autres par crainte ou par crainte qu'ils ne comprennent pas. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit si tu parles à des gens d'une science qu'ils ne peuvent pas comprendre, ça risque d'être une épreuve ou une fitna pour certains d'entre eux. D'accord? Et ça, c'est rapporté par Muslim dans l'introduction de son Sahih. Donc, ça veut dire de faire attention du sujet dont tu parles devant certaines personnes si tu crains que ces gens-là risquent de ne pas comprendre le sujet dont tu parles. Et que ça risque d'être pour eux une source de doute ou de tentation ou de fitna, d'épreuve. Donc c'est en fait d'utiliser la sagesse. Et les ulama à ce sujet-là, ils disent que si tu sais que quand tu vas parler d'un sujet, ça va leur faire des doutes ou des problèmes, c'est mieux dans ce cas-là, avant de le faire, de leur expliquer comme il faut la chose et le sujet pour qu'ils soient capables de le comprendre avant de juste leur lancer cette connaissance-là et de risquer de les confondre et de les mélanger. D'accord? Donc, de les éduquer avant. Et c'est ça, en fait, la méthode que les ulama ont enseignée pour éviter de créer des problèmes. D'accord? Et c'est pour ça, si tu vas aller dans un pays, par exemple, les gens, ils font les choses d'une façon spécifique et ils ne connaissent pas autre chose. Puis toi, tu leur arrives, puis tu leur dis une chose qu'ils n'ont jamais entendue. Ils risquent de traiter ça de mensonge, alors qu'en réalité, ça vient de la sunna, mais eux, ils ne l'ont pas appris. Donc, il faut y aller avec sagesse pour leur faire comprendre, en fait, que ce que vous allez entendre, vous ne l'avez peut-être pas entendu auparavant, mais ça fait partie de la sunna. Et tu leur expliques les raisons pourquoi peut-être qu'eux, ils ne connaissent pas, et tu leur mentionnes les preuves et les explications des ulama, et puis après, ils vont l'accepter, inshallah. Le cheikh il dit ensuite ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت أو يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ولا يصلي قراءته بتكبير الركوع ولا يصل قراءته بتكبير الركوع فيكبر ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة رضي الله عنها ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم وأدنى الكمال 3 وأعلاه في حق الإمام 10 وكذا حكم وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Donc le cheikh il dit que après tu lèves tes mains, hein, comme tu l'as levé la première fois dans la prière, donc après avoir récité une autre rak'a, quand tu as terminé la sourate, tu lèves tes mains, puis tu fais le takbir, Allahu Akbar. Et comme on a dit pour le takbiratul ihram, le premier takbir, soit que tu lèves tes mains à la hauteur des oreilles, ou bien à la hauteur des épaules, comme c'est mentionné dans la sunna. Et le cheikh il dit ensuite, donc après avoir récité, tu attends un peu, quelques instants, très courts, et donc tu lèves tes mains, puis après tu te penches pour le recours et tu fais le takbir, tu te penches pour le recours et tu mets tes mains avec les doigts écartés sur chacun de tes genoux, hein, et tu étends ton dos pour qu'il soit droit, c'est-à-dire tu ne vas pas te pencher trop bas ni te lever trop haut non plus, pour que ça soit environ, yani, comme on dit, 90 degrés. Ton dos et ton corps fait un angle de 90 degrés. Et ta tête, tu ne la penches pas trop bas ou tu ne la relèves pas non plus trop haut, mais pour qu'elle soit à égalité avec le reste de ton corps, comme c'est mentionné dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha. Et tu vas également, il dit le cheikh, tu vas mettre tes coudes, hein, un peu sur le côté comme ça, quand tu mets tes mains sur les genoux. Et il dit, tu dis dans ton recours, Subhan Rabbi al-Azim, à cause du hadith de Hudhayfa. Donc tu dis Subhan Rabbi al-Azim, et tu le dis 3 fois, ça c'est le minimum. de qu'est-ce qui est correct. Puis, le plus que tu peux dire, c'est 10. Il dit pour l'imam. Donc, le minimum de la perfection, c'est 3. Et le maximum, ou le plus, c'est 10. Mais tu peux dire une seule fois. Hein? Si tu dis une seule fois, ça va être correct. Mais le mieux, le minimum, qu'est-ce qui est le minimum de la perfection, c'est 3. Puis tu peux dire jusqu'à 10. Et il dit ça, c'est la même chose pour dans le sujoud. Tu dis Subhan Rabbi al-A'la, c'est la même chose dans le sujoud, pendant la prosternation. Et il dit, tu récites pas le Coran dans le ruku' ou dans le sujoud. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on récite le Coran dans le ruku' ou dans le sujoud. Donc on va lire l'explication, les commentaires de Cheikh Abdul Muhsin à ce sujet, puis après on va s'arrêter inshallah. Le Cheikh dit: بعد انتهاء القراءة قبل التكبير للركوع يسكت قدر ما يرتاد إليه نفسه لأن لا يصل التكبير بالقراءة. Donc il dit, après avoir terminé la récitation, avant le takbir pour le ruku, tu t'arrêtes un petit silence, puis tu fais le takbir pour pas que il y ait comme si on, pour pas que on ait l'impression que le takbir fait partie de la récitation, d'accord? Donc un petit silence entre les deux, puis tu t'inclines après avoir fait le takbir. Le cheikh il dit: ثم يرفع يديه على هيئة رفعهما عند تكبيرة الإحرام. Donc tu lèves tes mains comme tu l'as fait pour takbirat al-ihram. ويهوي الى الركوع مكبرا. Et tu fais le takbir pendant que tu te penches pour t'incliner. Parce que des fois il y en a qui font le takbir et qui se penchent après. Et il y en a qui se penchent en premier, puis une fois qu'ils sont en ruku', là ils font le takbir. Et qu'est-ce qui est le plus correct? C'est de faire le takbir pendant que tu fais le mouvement, d'accord? Et c'est-à-dire tu commences à le faire pendant que tu fais le mouvement et tu termines dans la position. Donc il dit فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ مُسْتَوِيًا مَعَ رَأْسِهِ مُجَافِيًا يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ. نعم لقول لحديث أبي حميد وفيه إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. Donc il dit tu vas garder ton dos plat, hein, et ta tête à égalité, et tes mains, il dit, يعني donc tu vas mettre tes mains sur tes genoux. Ça, il l'a pas dit encore, mais yani, il dit, c'est ça. Donc, on a dit ça. Mujafiyan an jambayhi, li hadithi Abi Humaydin, idha raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Donc, tu mets tes mains sur tes genoux, et il mentionne que ça, c'est selon le hadith de Ibn Humayd, rawahu al-Bukhari, inda Abi Dawood. C'est aussi un hadith de Abi Dawood avec une chaîne de transmission authentique. Et le hadith de Abi Daoud, c'est le suivant: thumma raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alayhima. Les saisir. Donc comme si tu les attrapais, tes genoux. Hein? Donc tu mets tes mains sur tes genoux comme si tu voulais les attraper, et wattara yadayhi fatajafa عن جنبيه. ومعنى وتر يديه اي جعلهما كالوتر. Donc c'est ça. Il dit il courbe ses bras comme si c'était un arc. Oui, c'est ça. Donc c'est d'arquer un peu les bras sur les côtés. Il dit أي يجعلهما كالوتر. ولحديث عائشة في وفيه كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. Donc quand Aïcha radiallahu anha, elle dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le recours, il ne relève pas sa tête vers le haut et il ne descend pas non plus trop bas. Ça c'est qu'est-ce que certaines personnes parfois c'est ce qu'ils font. Quand tu fais un recours, il y en a qui lèvent leur tête comme ça, il y en a qui penchent la tête comme ça. Et ça, les deux, ça, c'est, il faut que ce soit entre les deux et non pas un ou l'autre. Donc il ne faut pas que ce soit la tête levée plus haut que le dos, ni plus bas non plus, mais entre les deux. Walakin bayna dhalik, c'est-à-dire entre les deux. Et le cheikh il dit ensuite wa qawlu subhan rabbi al-azim fi ar-ruku' rawahu Muslim fi sahihihi an Hudhayfa radiyallahu anhu wa qala at-Tirmidhi ba'da dhikri hadith Abdullah ibn Mas'ud bi isnad da'if fihi qala subhan rabbi al-azim 3 marrat wa qala wal 'amalu 'ala hadha 'inda ahli al-'ilm yastahibbuna أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات وروي عن ابن المبارك أنه قال استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. On va traduire ça. Le cheikh il dit que dans le recours tu dis Subhan Rabbi al-Azim comme c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Hudhayfa et At-Tirmidhi. Après avoir mentionné le hadith de Abdullah ibn Mas'ud avec une chaîne qui est faible, mais il dit dedans que tu dis Subhan Rabbi al-Azim 3 fois, et il dit c'est ça que les savants ont fait, c'est ça que les savants font, et ils préfèrent que quelqu'un ne diminue pas dans le recours et dans le sujoud de 3 tasbihat. Donc de ne pas faire moins que 3, ça c'est qu'est-ce qu'il préfère. Et il dit que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, un des grands imams des salafs, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il disait je préfère que l'imam fasse 5 tasbih, donc de dire 5 fois Subhana Rabbi al-Azim, pour que celui qui est derrière ait le temps de faire 3 au moins. De faire le temps de dire au moins 3 fois Subhana Rabbi al-Azim. Il dit وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقْ إِبْنُ إِبْرَاهِيمِ. Et c'est ainsi également que إِسْحَاقْ إِبْنُ إِبْرَاهِيمِ a dit. Il dit وَفِي سُنَنْ أَبِي دَوُودْ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفْ عَنْ سَعِيدٍ إِبْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسْ قَالْ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَشْبَهَ صَلَاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحررنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. Donc il dit dans un hadith ici c'est la parole de وفي سنن أبي داود dans سنن أبي داود, mais il dit ce hadith là il est rapporté avec une chaîne qui n'est pas authentique par contre, et il dit c'est rapporté selon Saïd ibn Jubayr, selon Anas, il dit je n'ai pas prié derrière quelqu'un après le messager d'Allah dont la prière ressemblait plus à celle du messager sallallahu alayhi wa sallam que ce jeune homme. Et il parlait de Omar ibn Abdul Aziz le khalifa. Et il dit, et on a calculé que dans son recours, il faisait à peu près 10 tasbihat, et dans son sujoud, à peu près 10 tasbihat. Donc, il mentionne ce hadith juste comme témoignage, pas comme preuve. Parce que c'est avec une chaîne faible. Et parfois, les hadiths, même s'ils ont une chaîne qui est faible, mais quand ils sont réunis, ils peuvent se supporter les uns les autres, même si un hadith il est faible parfois, il peut supporter un autre hadith qui est faible pour élever son degré d'authenticité parfois. Il dit وَمِمَّا كَانَ يَقُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc ça, c'est un dua que tu peux dire pendant ton recours. Et aussi, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ça aussi, tu peux dire, c'est rapporté par Muslim. Donc c'est authentique. Donc, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ça, c'est rapporté par Muslim. Et le cheikh il termine en disant wa hadith nahyihi sallallahu alayhi wa sallam an al-qira'ati fi ar-ruku'i was-sujud rawahu Muslim fi sahihihi an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa fihi ala wa inni nahitu an aqra'a al-Qur'an raki'an aw sajidan amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb 'azza wa jalla wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a فقم نعم فقمن ان يستجاب لكم. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit donc de réciter le Coran pendant le recours ou pendant le sujoud, et ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et dedans il a dit j'ai été interdit de réciter le Coran en état de recours ou en état de sujoud. En ce qui concerne le recours, faites, yani, azzimu fihi ar-rabb. Tu dis subhana rabbi al-azim. Wa amma fi sujoud. Et quand c'est dans le sujoud, faites des efforts pour faire plus de dua. Et forcez-vous de faire plus de dua parce que c'est plus propice que vous soyez exaucé dans la prosternation. Et comme on a mentionné déjà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que on est plus proche, le moment où on est plus proche d'Allah c'est dans la prosternation, d'accord. Donc c'est encouragé de faire plus d'invocations à ce moment là donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera yani, je crois que c'est jeudi inchallah, jeudi prochain. Sinon, demain, on va reprendre le cours de Al-Usul al-Thalatha, Inch'Allah, après le Fajr, comme on faisait au début de la semaine, le lundi, Inch'Allah. Ben, c'est-à-dire que dans le recours, c'est, en général, tu ne peux pas écarter quand même trop les bras, mais dans le sujoud, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prosternait, on n'est pas arrivé là, mais quand on va arriver à la prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il écartait ses bras dans le sujoud sur le côté de son corps, jusqu'à ce qu'il dit qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. C'est sous les bras. C'est ça. Quand on est dans la jama'a et qu'on prie dans les rangs, il y en a qui veulent faire ça pendant la salat dans la jama'a, dans les rangs. Et ils vont peut-être même écraser la personne à côté d'eux. Et ça, c'est pas correct. Oui, barakallahu fik. C'est un bon point. Certaines personnes, je sais qu'ils le font de bon cœur. Oui, c'est ça. Ça écrase la personne à côté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Linu bi aidi ikhwanikum. C'est-à-dire, soyez doux avec vos frères à côté de vous. Donc, ça veut dire, tu vas pas les écraser sinon c'est pas correct. Donc, ça c'est un bon point en fait, de mentionner ça pour rappeler. Parce qu'il y a des frères, ils apprennent des choses de la sunna, puis ils veulent à tout prix l'appliquer dans toutes les circonstances. Oui, dans toutes les circonstances, sans tenir compte de la réalité dans laquelle ils sont, du fait qu'ils sont serrés dans un rang et ils créent de l'embarras pour leurs frères. Et ça, c'est pas bien. Naam. Donc, ça, c'est un bon point que tu as mentionné. Et tu voulais dire aussi une autre chose? Non, j'ai pas de problème. Oui. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour faire comme ça fait Allah l'a dit? Oui. Oui, ça c'est correct. Au contraire, c'est recommandé de le faire. Selon le temps qu'on a dans la prière en jama'a, si l'imam, par exemple, il récite seulement, il dit seulement Subhan Rabbi al-Azim trois fois et qu'il se relève rapidement, on n'a pas le temps de faire beaucoup d'invocations. C'est ça, donc on doit suivre l'imam à ce moment-là. Mais dans ta prière surérogatoire, là, tu peux profiter. Tu peux faire plus. Si tu veux prolonger, tu prolonges. Et tu peux faire des doigts, des invocations, tu demandes pardon à Allah, tu fais l'istighfar, tu fais d'autres doigts. Sauf, la seule chose, tu récites pas le Coran, c'est tout. Mais tu peux réciter un doigt qui est dans le Coran, ça ne dérange pas. Mais tu ne peux pas réciter le Coran, c'est ça la différence. Ça c'est correct. Moi, ce que j'ai appris à ce sujet, c'est que c'est correct de le faire dans les prières surérogatoires, pas dans la prière obligatoire. Donc, ça c'est ce que j'ai entendu. Mais je vais confirmer, parce que je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait pendant les prières surérogatoires de la nuit. Chaque fois qu'il passait vers un verset qui parlait par exemple, de glorifier Allah, il le glorifiait. Quand c'était quelque chose, donc il mentionnait des choses comme ça. Mais dans la prière obligatoire, ça, j'ai entendu que c'était qu'on le faisait pas. Donc je vais juste confirmer ça en vérifiant ça, inshallah. Donc wayakum inshallah. De rien. Je vais juste écrire la question, comme ça je vais m'en souvenir, parce que des fois j'oublie. C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils font ça. J'en ai entendu moi-même. Quand ils se lèvent pour prier, ils vont, comme tu dis, ils vont exprimer leur intention verbalement avant de commencer la salat. Et ça, en réalité, ça fait partie des innovations. Ça fait partie des bid'ahs. Pourquoi? Parce que l'intention, les ulama disent al-niyya mahalluhu al-qalb, mahalluha al-qalb. Donc l'intention, elle est dans le cœur. Tu la prononces pas. Et c'est pas nécessaire, donc, quand tu vas commencer ta prière, de dire je me tiens devant la Qibla, devant la Kaaba, je vais prier 4 rak'ahs de salat al-dhuhr, et ainsi de suite. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire ça et qu'il l'a fait non plus, ni qu'aucun d'entre les sahaba faisait ça. Donc, si c'était le cas, on l'aurait su, il l'aurait dit. Hein, on l'aurait su dans la sunna. Et également, en même temps, on sait que l'intention, c'est dans le cœur. Donc, quand tu sors de chez toi pour venir à la mosquée, tu sais que ton intention, c'est de venir pour faire la salat. Hein? Puis quand tu te tiens dans les rangs, tu te lèves pour prier dans ton cœur, ton intention c'est de faire la salat de Asr ou de Zohor ou selon le moment de la journée. Donc, tu n'as pas besoin de le dire après. Du moment que c'est ça ton intention dans ton cœur, Allah il sait. Oui, oui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, tu vas le penser. Oui, pour conscientiser l'intention, tu vois, pour pas être mélangé, parce que peut-être que des fois tu pries, tu oublies quelle prière tu vas faire. Donc tu te rappelles que ton intention c'est de faire telle prière, puis tu dis Allahu Akbar, puis tu y vas. Donc ça c'est correct. Ouais, mais pas de prononcer à haute voix l'intention verbalement, non. Ça c'est une innovation. Ah ouais. Mais j'ai vu ça mentionné dans certains livres au début quand j'étais devenu musulman qu'ils mentionnaient ça, mais c'était pas des livres de la sunna en fait. Et la personne que j'ai vu faire, j'ai vu deux ou trois personnes faire ça, et il y avait un frère qui faisait ça, il venait de la Mauritanie. Hein, et c'est. Ouais, je le sais, c'est vraiment bizarre ça. Parce qu'il il raconte tout, qu'est-ce qu'il va faire avant de commencer. Il va prendre même, comme tu dis, une minute ou deux là pour faire cet énoncé là. Mais ça me fait penser, il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je pense que c'est dans Surat Al-Hujurat justement. Et je vais vous le lire comme ça, vous allez comprendre. Ah oui, c'est ça, je me souviens maintenant. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. C'est le verset 16 dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. C'est-à-dire, est-ce que vous apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient. Donc, est-ce que tu veux dire à Allah ton intention à haute voix, alors qu'il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur déjà, hein? Donc, tu n'as pas besoin de le mentionner, sinon... Non, et puis est-ce que tu, par exemple, quand tu regardes, par exemple, le fait de prononcer cette parole-là ou cette intention-là à haute voix, comme on a dit, l'intention c'est dans le cœur. C'est possible que tu dises avec ta langue ton intention à haute voix, alors que ton intention dans ton cœur est différente. C'est pour ça que ça sert à rien de prononcer l'intention si c'est juste quelque chose qui est devenu machinal de répéter ça à chaque fois, alors que dans ton cœur peut-être que ton intention est autre. Alors c'est pour ça que c'est important de vraiment concentrer à travailler sur l'intention du cœur et non pas l'intention qu'est-ce qu'on prétend comme avec la langue comme étant notre intention en fait. Et c'est ça. Donc, je voulais juste voir si je pouvais. Parce que je me rappelle que j'ai entendu une fois un cheikh justement qui citait le verset que j'ai mentionné dans Surat Al-Hujurat, justement pour répondre à ceux qui faisaient ce genre de choses. Et j'avais envie de voir dans le tafsir pour vérifier effectivement si c'était pas une référence que certains cheikhs mentionnent aussi à ce sujet-là. Verset 16. C'est ça. Le cheikh, il dit dans un tafsir ici, il dit قُلْ أَيُّهَا النَّبِيِّ لِهَؤُلَاءِ الْأَعْرَابِ أَتُخَبِّرُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ كَمَا فِي وَبِمَا فِي ضَمَائِرِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه ما في قلوبكم من الإيمان أو الكفر أو البر أو الفجور. Donc, est-ce que vous allez dire à Allah qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous-même, alors qu'il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est dans votre cœur, comme foi, comme mécréance, comme bonté ou comme perversité. C'est ça en fait. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait en fait, et même si tu dis quelque chose, ça ne veut pas dire que qu'est-ce que tu dis avec la langue, c'est exactement qu'est-ce qui est dans ton cœur réellement. Donc c'est de travailler sur notre cœur et sur l'intention intérieure. Ça va, Akhi? Non, c'est une question qui a été posée aux ulama même depuis longtemps, depuis des siècles. Et en réalité, la position correcte à ce sujet-là, parce qu'il y a des ulama qui divergent là-dessus, il y en a qui ont dit non, mais la position correcte là-dessus, c'est que c'est permis de faire des doigts dans d'autres langues, oui. Et donc, tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire les invocations qui sont mentionnées dans la sunna en arabe, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, dans la prosternation, et faire des azkar ou d'autres du'as que tu connais en arabe. Mais si par exemple tu as besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de particulier ou de spécifique et que tu ne peux pas le dire en arabe, dans ce cas-là tu peux le dire dans ta langue. Mais c'est sûr que si tu es capable de le dire en arabe, il est préférable de le dire en arabe. Non. D'accord? Donc c'est ça. والله تعالى أعلم فيكم بركة إن شاء الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.